إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans le cours aujourd'hui, c'est le sixième dans l'explication de Usul Sitta. Et on est toujours dans Usul Thalith, le troisième fondement parmi les six fondements. Et on est toujours dans la question donc de la question de l'obéissance aux dirigeants et de l'écoute. De l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants dans le bien. Et c'est-à-dire de l'obéir dans le bien. Même si c'est quelqu'un qui est injuste ou qui fait de l'injustice ou qui fait des péchés ou des choses comme ça, ça c'est la aqidah, le manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah au sujet des dirigeants. Et beaucoup de groupes de bid'ah, une des raisons pour lesquelles donc qu'on remarque pourquoi ils parlent pas de ça, de l'obéissance aux dirigeants, c'est parce que parfois ils considèrent que leur groupe c'est la Jama'ah. Leur groupe, ils pensent que c'est eux qui représentent la Jama'ah, dans le sens que ils ne reconnaissent pas l'autorité du dirigeant. Ils ont donné une allégeance au chef de leur Jama'ah, au chef de leur groupe, et ils considèrent presque que ce chef-là, c'est lui qui représente le Khalifa, et il lui donne une bay'ah. Des fois ça, on le retrouve chez certains groupes, un peu comme chez les Ikhwan, et même chez le Jama'at Tablir, il y a une bay'a. Chez les Ikhwan, il y a une bay'a, et chez les Tablir, il y a une bay'a, et dans beaucoup d'autres Jama'at de cette catégorie, il y a une bay'a qui est donnée au chef du groupe, au chef de leur organisation. Et ce genre de bay'a, elle est interdite, et c'est une bid'a. Puisque dans l'islam, la seule bay'a, la seule allégeance, l'allégeance qui est permise, c'est l'allégeance qui est donnée au chef d'État. C'est l'allégeance qui est donnée au chef d'un État musulman. Et non pas une allégeance qui est donnée au chef d'un groupe, d'une jama'a à l'intérieur d'un État islamique. Et on n'a pas le droit d'avoir deux bay'a en même temps. C'est pas permis d'avoir une bay'a au dirigeant, puis une bay'a au chef d'une jama'a. D'accord? Donc ça, c'est des exemples de contradiction, et souvent c'est pour ça c'est une des raisons pour lesquelles ils parlent pas de ce sujet-là, parce qu'ils veulent pas justement montrer leur contradiction à ce sujet. Donc pour continuer dans la lecture des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa que le Cheikh est en train de citer, il a mentionné plusieurs hadiths déjà, et là on va continuer à lire la suite des hadiths qu'il a mentionnés. الشيخ الزي وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. Donc le cheikh il rapporte ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres également, selon Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu, qui est un des grands parmi les sahaba, il dit: nous avons donné la bay'a au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous allions l'écouter et l'obéir dans la facilité comme dans la difficulté, dans les moments de motivation ou d'entrain, et dans les choses qui nous déplaisent et dans les choses qui nous plaisent. Et un point important ici qui est ajouté par rapport au hadith qu'on a mentionné précédemment, qui n'était pas mentionné dans les autres hadiths, وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا. Et les ulama ont expliqué, comme on va le mentionner, le cheikh il le mentionne lui aussi, وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا, ça veut dire, même si les dirigeants en question, ils vont se donner des privilèges dans les questions de la dunya, et ils vont s'accaparer des biens, et ils vont prendre même des choses pour eux, puis ils vont nous priver de nos droits à nous, et ils vont pas nous donner qu'est-ce qui nous revient comme droit. Donc ça c'est un élément en plus qui est rajouté, qui clarifie donc et qui réfute ceux qui aujourd'hui disent oui mais ces dirigeants là ils ont pris les richesses, ils ont pris ci, ils ont pris ça, donc on n'a pas à les obéir ou des choses comme ça, ou bien ils pensent que ça justifie de se révolter contre eux, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait mentionné, il a dit wa ala atharatin alayna, c'est-à-dire même s'ils se s'accaparent des biens et ils se donnent toutes les choses de la dunya pour eux, ils les gardent pour eux seulement et qu'ils ne nous donnent pas nos droits. وأن لا ننازع الأمر أهله, c'est-à-dire qu'on ne doit pas disputer aux gens qui détiennent le pouvoir, l'autorité et le commandement qu'ils détiennent. Et il nous a également pris cette bay'a sur le fait qu'on devait dire la vérité là où nous étions et que nous ne devions pas craindre personne en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons craindre en Allah le blâme d'aucun blâmeur. Donc ça c'est un point important aussi. Et il y a un frère hier qui m'a mentionné justement un point ou une question, puis je pense que c'est important de le mentionner aussi. C'est le fait que certaines personnes, parfois quand ils parlent de ce sujet-là, de l'obéissance aux dirigeants, c'est-à-dire l'obéissance aux dirigeants musulmans dans le bien, il mentionne parfois une histoire qui est rapportée ou qui mentionne que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il a pris le khilafa, il aurait dit aux gens si vous voyez que je fais le bien, alors obéissez-moi, et si vous voyez que je fais quelque chose qui est contraire à la religion d'Allah, alors redressez-moi même avec l'épée ou des choses de ce genre. Et il se base sur ce genre de paroles de Omar ibn al-Khattab pour opposer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une règle qui est très claire dans l'islam et dans le manhaj des salaf, c'est qu'on n'a pas le droit d'opposer la parole de quiconque à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question dans plusieurs hadiths, est-ce qu'on ne doit pas les combattre au messager d'Allah avec l'épée s'ils font ça, ou bien est-ce qu'on ne doit pas les combattre au messager d'Allah, le prophète a répondu non, tant qu'ils font la salat, et dans un autre hadith il a dit même s'il vous frappe votre dos, même s'il prend vos biens, écoutez, obéissez. Donc on ne peut pas opposer la parole d'Omar ibn al-Khattab à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on ne peut pas mettre la parole d'Omar au-dessus de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il faut vérifier l'authenticité de cette parole qui est attribuée à Omar ibn al-Khattab. Et comme de fait, lorsque j'ai vérifié dans les choses qui sont mentionnées dans un des livres du Cheikh Rabi' al-Madkhali qui s'appelle Mata'in Sayyid Qutb fi Ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté certaines de ces paroles-là et il mentionne donc que c'est des choses qui viennent de la Sirah. C'est des choses qui viennent de la Sirah. Et les ulama qui écrivent des livres de Sirah, ils rapportent des choses, parfois ils ne vérifient pas l'authenticité de façon aussi rigoureuse que lorsqu'ils rapportent les hadiths de la Sunna et les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc beaucoup de ces histoires-là parfois sont pas authentiques. Beaucoup de ces histoires-là parfois ne sont pas authentiques. Donc ça c'est un point de plus encore, pour dire qu'on ne peut pas se baser sur ce genre d'histoire pour opposer qu'est-ce qui est clair dans la sunna. Et ce n'est pas un hadith qui nous ordonne, wa alaykum salam wa rahmatullah, ce n'est pas un seul hadith qui nous ordonne d'obéir aux dirigeants. C'est des dizaines et des dizaines de hadiths qui confirment cette règle. Hein, et les ulama disent quand un principe ou une règle est répétée dans plusieurs textes, dans plusieurs hadiths, ça devient une règle. Hein. Donc ça c'est très important de le comprendre. Aussi certains rapportent une autre parole qui est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, qui dit yani akbarul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Il rapporte une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le plus grand jihad c'est de dire une parole de vérité, hein, en présence d'un dirigeant injuste. Et ce hadith là il est véridique, il est clair. Puis en même temps, ces gens-là, ils le prennent en dehors de son contexte ou en dehors de sa signification réelle. Puisque, qu'est-ce qu'ils font avec ce hadith-là? C'est pas du tout qu'est-ce qui est indiqué par le hadith. Le hadith parle de dire la vérité en présence d'un dirigeant. Donc, lorsque tu es en face de lui, et lorsque tu es en sa présence, que tu vas dire la vérité. Ça, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith. Mais non pas de monter sur le minbar et de commencer à insulter les dirigeants ou à parler contre eux devant la masse, ou bien de faire des discours dans les assemblées puis de commencer à inciter les gens à le détester ou à haïr le dirigeant, ou bien en privé ou bien en public. Ça c'est pas qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith du tout, et donc ça c'est un exemple de qu'est-ce que ces gens-là ont fait comme déformation ou falsification donc de la compréhension de ce genre de hadith. Donc on peut pas utiliser ce genre de hadith là pour opposer qu'est-ce qui est clair dans la sunna. Et on sait tous que lorsqu'un hadith est pas clair dans sa signification ou bien en apparence vient en contradiction avec d'autres hadiths, eh bien il faut comme les ulama, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent les textes entre eux pour essayer de les comprendre comme il faut. Et donc quand on ramène ces hadiths-là ensemble, on arrive à comprendre correctement la façon dont on doit les appliquer. Donc ça c'est un exemple et c'est des points importants à mentionner à ce sujet-là pour bien comprendre la situation. Parce que pendant des générations, les musulmans ont été un peu coupés de la compréhension des salafs à ce sujet-là, et comme je disais hier, on leur a longtemps caché ces hadiths. Hein. Ensuite, donc, le cheikh, il explique, il dit, « Et dans As-Sahihain, il dit, « Wa fi As-Sahihain, aydan, an Abdillah ibn Omar, radiyallahu anhuma, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, ala al-mar'i al-muslim, as-sam'u wa ta'ah, fima ahabba wa karih, illa an yu'maru bima'siyah, fa'in umira bima'siyah, fala sam'a wa la ta'ah. » Donc ça c'est un hadith qu'on a déjà lu dans les cours précédents, dans le Sahihain, al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman, il doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qui lui déplaît, excepté si on lui ordonne un péché. Et si on lui ordonne un péché, dans ce cas-là, il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Ensuite il dit, « Wafi Muslim, an Abi Huraira, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. معنى قوله أثرة عليك أثرة علينا أي إذا استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك. Donc, il rapporte ici le hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans le Sahih de Muslim, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je t'enjoins à écouter et à obéir dans la difficulté comme dans la facilité, et dans qu'est-ce qui te plaît et dans qu'est-ce qui te déplaît, même si c'est contre, même si les dirigeants, te donnent pas ton droit et ils se prennent des privilèges dans qu'est-ce qui te revient. Le cheikh il explique donc que atharatan alayka ou bien atharatan alayna, ça veut dire que ils se donnent les privilèges, comme je disais tout à l'heure, les dirigeants ils ne te donnent pas ton droit lorsque un droit te revient, et eux ils s'accaparent des biens. Et dans un autre hadith justement on va le lire juste après, donc je vais clarifier ça encore un peu plus inshallah. Le cheikh dit wa kama fi sahihayn an Asyad ibn Hudayr radiyallahu anhu anna rajulan min al-ansar khala bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ala tasta'milni كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. Donc il rapporte que selon Asyad ibn Hudayr dans As-Sahihain al-Bukhari Muslim, qu'un homme parmi les Ansar est venu parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en privé, et il lui a dit: est-ce que tu veux pas m'employer comme tu as employé un tel et un tel pour faire telle ou telle tâche ou tel travail? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit: vous allez trouver après moi Athara, satalqawna ba'di Athara, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez trouver après moi que les dirigeants, parfois ils vont se donner des privilèges de la dunya et qu'ils ne vont pas vous donner votre droit. Alors il a dit quoi? Il a dit: soyez patient, isbiru, fasbiru, hatta talqawni ala al-hawd, jusqu'à ce que vous me rencontriez, auprès de la fontaine ou du bassin, c'est-à-dire duquel les croyants vont boire au jour de la résurrection. وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Ça, c'est un hadith vraiment important à ce sujet-là. Donc, c'est rapporté dans Al-Bukhari Muslim encore une fois. Vous voyez, tous ces hadiths-là sont rapportés par Al-Bukhari Muslim. Ce sont des hadiths du plus haut niveau d'authenticité et du plus haut degré d'authenticité, qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y aura après moi Athara. C'est-à-dire, il y aura après moi des dirigeants qui vont se donner des privilèges dans les affaires de la dunya. Hein? Comme qu'est-ce que les gens sont en train de critiquer, par exemple, par rapport aux dirigeants: ah, un tel, il prend des millions, un tel, il vit dans une grande maison, il a des châteaux, il a des palais, il a des voitures, il a ci, il a ça. Hein? Et les gens utilisent ça pour enrager la population et enrager la masse. Hein? Donc, il a dit: vous allez voir après moi de ce genre de choses, des dirigeants qui se prennent beaucoup de richesses pour eux et qui ne donnent pas à la population ou bien aux gens leurs droits. Alors, wa umurun tunkirunaha, et des choses que vous allez condamner, des choses que vous allez trouver comme étant mauvaises chez ces dirigeants-là. Alors, ils ont dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu nous ordonnes si on trouve ce genre de choses, hein, si ces choses-là se produisent et que nous on arrive et on voit ces choses-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc les sahaba, ils ont demandé la clarification au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir comment on doit agir en tant que musulman devant des situations pareilles. Hein, est-ce qu'on doit se révolter? Est-ce qu'on doit faire des manifestations? Est-ce qu'on doit appeler à la rébellion? Est-ce qu'on doit prendre les armes? Est-ce qu'il faut faire demander des élections, appeler à la démocratie, hein, des choses de ce genre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la réponse. Hein, il nous a dit: vous donnez le droit qui est sur vous, c'est-à-dire vous donnez le droit qui est sur vous, que vous êtes obligé de donner, et vous demandez votre droit à vous, à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça, c'est complètement opposé avec la mentalité des hizbiyens aujourd'hui et des khawarij et des gens qui appellent donc à ce genre de révolte. Ils n'ont rien compris de ce hadith. Et ça, ce hadith-là, celui qui peut l'appliquer, c'est qui? C'est celui qui a compris l'islam, celui qui a compris l'iman, celui qui a compris qu'il y a un akhira et qu'il y a une récompense et il y a une justice qui va être établie par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'akhira. Mais celui qui ne croit pas à ça, comme les socialistes, hein, les matérialistes, les communistes, hein, eux, ils croient juste à cette dunya. Donc, ils disent: si on n'a pas notre haq dans cette dunya, il n'y a pas de haq après. Donc, il faut le prendre tout de suite. Et donc, ils appellent à la rébellion, ils appellent aux révolutions, et ainsi de suite. Ils ne croient pas qu'il y a une récompense d'Allah dans la patience. Ils ne croient pas qu'il y a une récompense d'Allah dans le sabr, dans l'endurance. Ils ne croient pas en ces choses-là. Donc, Allah musta'an, il tombe dans la transgression, puis dans l'opposition de la sunnah. Donc ça, c'est des exemples. Ensuite, le cheikh, il mentionne un dernier hadith. Il dit: وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمْ عَنْ وَائِلْ إِبْنُ حَجْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ سَأَلَ Salama ibn Yazid al-Ju'fi radiyallahu anhu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة فحدثه الأشعث بن قيس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه وإن أكره عليه انتهى كلامه. Donc le cheikh il rapporte ce hadith également qui est rapporté dans Sahih Muslim, c'est un hadith sahih. Selon Wa'il, il dit que Salama ibn Yazid al-Ju'fi a demandé au messager d'Allah la même question que qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Au messager d'Allah, des dirigeants sont établis sur nous et qui nous demandent leurs droits à eux et qui nous empêchent ou qui nous refusent nos droits à nous, qu'est-ce que tu nous ordonnes? C'est-à-dire, s'il y a des dirigeants qui sont établis sur nous, c'est-à-dire, il y a des dirigeants qui prennent le pouvoir et ils nous demandent leurs droits et nous, et ils ne nous donnent pas à nous notre droit à nous. Qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire? Alors c'est la même question que le hadith précédent. C'est quelque chose qui est semblable à ce qui est mentionné dans le hadith précédent. Il a demandé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné de lui, comme s'il n'a pas voulu lui répondre. Puis il lui a demandé encore, il s'est détourné de lui. Puis il lui a demandé une deuxième fois ou une troisième fois, et à ce moment-là, Al-Ash'ath ibn Qays lui a mentionné le hadith. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez, parce que vous allez être uniquement jugés pour les choses que vous avez faites vous comme péché, et eux ils seront jugés pour leur péché à eux. Vous aurez apporté votre charge à vous et eux auront apporté leur charge à eux. Donc si par exemple eux ils te donnent pas ton droit, ça c'est leur péché à eux et Allah va les juger pour ça. Et toi, tu seras jugé pour toi. Donc si tu leur as donné ton droit, leur droit à eux, tu as rempli ton devoir envers eux. Donc tu es innocent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu leur prives de leur droit, par exemple, tu dis, ah mais si eux ils me donnent pas mon haq, alors moi je leur donne pas leur haq. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Et même des fois il y a des femmes, elles disent, ah moi si mon mari, il me fait pas ça ou il me donne pas mon droit, moi je lui donne pas son droit. Comme si c'est pas, elle donne pas le droit, ou bien il donne pas le droit, parce que ils croient que c'est une obligation pour eux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils donnent le droit juste parce que c'est comme un donnant-donnant. Tu me frottes le dos, je te frotte le dos. Mais si tu me frottes pas le dos, je te frotte pas le dos. Alors que si tu crois et tu le fais pour Allah, tu vas pas dire ça. Tu vas dire, d'accord, je vais le faire parce que c'est un devoir pour moi, une obligation que Allah a mis sur moi. Lui, s'il le fait pas, c'est lui qui sera jugé, c'est son problème. Il a manqué à sa responsabilité. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai rempli mon devoir. Donc c'est comme ça qu'on doit voir la question. C'est comme ça qu'on doit comprendre la situation. Donc le cheikh il dit que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. De même que le messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'obéissance aux dirigeants et au fait de leur donner la nasiha. Et ça, c'est ce qui est obligatoire pour le musulman. Même si ces dirigeants-là se donnent des privilèges dans la dunya, prennent la richesse pour eux et empêchent ou bien refusent de donner le droit à ceux à qui ce droit-là revient. Et donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit du fait de leur désobéir, eh bien, ça c'est quelque chose, c'est-à-dire il faut obéir, c'est-à-dire il faut ne pas leur désobéir, et si on leur désobéit, c'est quelque chose qui est haram, c'est quelque chose qui est haram. Donc ça c'est la fin de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ça c'est la fin de la citation des paroles de Ibn Taymiyyah dans le volume 35. Si je ne me trompe pas, c'était le volume 35. Je pense que c'est, 33 ou 35 dans Majmou' al-Fatawa. Enam al-Khamis wa al-Thalathin. C'est le volume 35 à la page 5. Donc si vous retournez, vous allez trouver cette parole, cette citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et si je ne me trompe pas, il y a un charh ou bien tahqiq de Cheikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin al-Abbad au sujet de cette partie des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Je pense qu'il a même fait une introduction à ce livre, puis il a rajouté les paroles de d'autres imams parmi les salafs en introduction. Donc c'est un très très bon livre, et ça vient réfuter ceux qui s'imaginent que Ibn Taymiyyah était quelqu'un qui appelait à la rébellion ou à la révolte contre les dirigeants, puis qu'il a été emprisonné pour ça. Ça n'a rien à voir. Ibn Taymiyyah, il faisait partie des ulama d'Ahlus Sunnah qui condamnaient les voies des Khawarij et des Mu'tazila et qui ordonnaient d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans le bien. Et s'il a été emprisonné, c'était pas du tout à cause de ses oppositions avec le dirigeant, mais plutôt à cause de ses positions dans la aqidah et dans son manhaj, qui est le manhaj des salaf al-salih, à cause des ulama qui faisaient partie des groupes de bid'ah, soit que c'était des asha'ira ou bien des soufiyin ou des choses comme ça, et ils voulaient lui donner des problèmes pour justement empêcher le cheikh de faire sa da'wah. Donc ça c'est en ce qui concerne les hadiths à ce sujet. Donc le cheikh dit aqulu min khilal qira'ati, ça c'est le cheikh Ubayd maintenant qui dit aqulu min khilal qira'ati nuqul min hadhihi al-kutub yatabayyanu 'iddat umur. الأمر الأول كثرة الأخبار الواردة في وجوب طاعة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. Donc à travers les textes qu'on a cités maintenant dans ces différents livres, on peut comprendre plusieurs points. Le premier point, le grand nombre des choses qui sont mentionnées ou des informations mentionnées au sujet de l'obéissance aux dirigeants et de rester avec la jama'a. Donc on voit, il y a de nombreux textes à ce sujet-là. Al-amru thani, at-tahdhiru min mukhalafati hadhihi as-sunnah, fa inna fi 'adami ta'ati wali al-amr furqa wa yatarattab 'alayhi mafasid diniyya wa dunyawiyya. Donc deuxièmement, l'avertissement contre le fait de contredire cette sunnah. Parce que lorsqu'on n'obéit pas aux dirigeants, eh bien, ça ramène de la division et il y a comme conséquence beaucoup de méfaits dans la religion et dans la dunya. Thalithan, al-amr thalith, wujubu munasahati wulat al-umur, wa sawfa yubayyan lahiqan insha'Allah. Donc, troisièmement, l'obligation de donner la nasiha aux dirigeants, et ça, on va le clarifier insha'Allah. Et quatrièmement, الدعاء لولاة الأمور المسلمين ودعاء الله لهم بالسداد والصلاح والإخلاص والنصر والتأييد وإن الدعاء عليهم ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة بل هو سمة من سمات الخوارج وأول من بدأ التحريض على ولاة الأمر في عهد عثمان رضي الله عنه وهم السبائية جماعة عبد الله بن سبأ اليمني الراسبي هم الذين حرضوا الناس على أمير المؤمنين حتى قتلوه وأما أول ظهور الخوارج فقد كان في عهد علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب فالحرورية والخوارج صار وصفى ولازم لما رأى إشهار السيف على أمراء المسلمين إلى اليوم فمن يحرض على ولاة الأمر ويدعو عليهم ولا يرى البيعة ولا يرى البيعة لهم فإن هذا خارجي وإن نفى ذلك عن نفسه. Donc le cheikh il explique dans ce point numéro 4 qui est le dernier point que le, il faut faire des doigts pour les dirigeants. Il faut faire des doigts pour les dirigeants. Et il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner donc yani, le bien et de faire qu'ils deviennent meilleurs. Yani, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux l'ikhlas et la victoire et le support. Donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, de leur donner le bien, de les rendre des meilleurs croyants, des meilleurs musulmans, yani, ainsi de suite. Et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala du bien pour eux. Parce que de faire des doigts contre eux, premièrement, le cheikh il mentionne que c'est contraire à la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah et que ça fait partie des caractéristiques des Khawarij, mais en plus de ça, ça ramène plus de mal. En plus de ça aussi, ça ramène plus de mal. Puisque si tu fais des doigts contre eux, eh bien, c'est un mal qui va se retomber contre tous les musulmans. Tandis que si tu fais des doigts pour eux, eh bien, comme les salafs ont dit, que si tu fais, comme par exemple Fudayl ibn Iyad, il disait, si je savais que j'avais une invocation qui allait être exaucée, j'allais la laisser pour le dirigeant. Parce que si le dirigeant il est bien guidé, eh bien ça va amener du bien pour tous les musulmans. Hein? Ça va amener du bien pour tous les musulmans. Donc il préférait donc laisser cette doua pour le dirigeant plutôt que de la prendre pour lui-même. Donc ça c'est pour expliquer que si le dirigeant est bien guidé, mais ça va avoir des répercussions positives sur tous les musulmans. Donc de faire des doigts contre eux, ça ne fait pas partie de la voie d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah et ça fait partie des caractéristiques des Khawarij. Et les premiers qui ont commencé à appeler les gens à se rebeller contre les dirigeants, c'est le groupe de Abdullah ibn Saba, le juif du Yémen, qui est à l'origine donc de la secte des Shia, hein, c'est lui, il s'est prétendu musulman alors qu'il était encore juif, mais il s'est infiltré parmi les musulmans pour créer de la dissension puis de la division puis appeler à des idées contraires contraires à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, un peu de la façon dont Paul a divisé, disons, ou a déformé le message de Isa ibn Maryam après que Allah subhanahu wa ta'ala ait élevé Isa aux cieux. Donc ça c'est un peu dans la même chose qui est arrivée avec Abdullah ibn Saba. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à agiter les gens et à les inciter à se rebeller contre Othman ibn Affan radiallahu anhu jusqu'à ce qu'ils arrivent à le tuer par la suite. Donc ça a été le début de la fitna, hein? Et à partir de cette époque là c'est là que les autres fitanes se sont suivies les unes après les autres par la suite. En ce qui concerne la première sortie réelle des Khawarij, c'était à l'époque de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et ce sont ceux qu'on appelle al-Haruriyya parce qu'ils sont sortis dans une région qu'on appelle Harura, hein? Et donc lorsqu'ils ont commencé à faire sortir l'épée et à attaquer les musulmans, eh bien à ce moment-là les musulmans, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et les sahaba qui étaient avec lui les ont combattus. Et à la fin, mais comme on sait tous, c'est un Khariji qui a assassiné Ali radiallahu anhu le matin lorsqu'il allait à la prière de Fajr. Donc ça c'est des exemples. Allah al-Musta'an. Donc les Khawarij, ce sont ceux qui voient qu'il faut prendre les armes contre les dirigeants. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à inciter contre les dirigeants et à appeler les gens et à faire des doigts contre les dirigeants et à appeler les gens à se rebeller contre les dirigeants, et ils ne considèrent pas l'allégeance qu'on fait à un dirigeant aujourd'hui comme étant valable. Donc ça c'est la voie des Khawarij, et celui qui suit cette méthodologie là aujourd'hui c'est un Khariji, même s'il nie être un Khariji. C'est un Khariji, fait partie des Khawarij, même s'il dit à propos de lui-même qu'il n'est pas un Khariji. D'accord. Et tous les hadiths qu'on a mentionnés aujourd'hui, sont les hadiths que les ulama ont mentionnés au sujet de l'interdiction des manifestations. et des marches et des rébellions. Et donc, c'est pas permis pour les musulmans de faire des manifestations. Et même à ce sujet-là, il y a des fatwas, des ulama qui ont mentionné que c'est pas permis de faire des manifestations, comme le Cheikh Saleh Al-Suhaimi, dernièrement il avait fait une fatwa, il a expliqué que c'est pas permis pour les musulmans de faire des manifestations, même dans les pays de Kufr, même dans les pays non musulmans, et que ça ramène du désordre et des problèmes, hein. Et en particulier je mentionne ça parce que dernièrement j'ai entendu qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques jours de quelques sœurs qui sont sortis dans la rue, supposément faire une manifestation contre l'interdiction du niqab. Et allez, c'est pas permis de faire des manifestations, peu importe la raison pour laquelle on le fait. Donc il faut pas participer à ce genre de manifestation là. Et c'est pas comme ça qu'il faut essayer de retrouver nos droits. Il y a une chose qui est importante, et moi qu'est-ce que j'ai appris dernièrement, j'étais pas au courant. Bon, j'en avais entendu parler, mais je savais pas vraiment. J'ai lu ça dans le journal que le conseil du culte musulman en France, c'est eux qui ont dit que le fait de se couvrir le visage, c'était une interprétation extrémiste de la religion. Et ils ont dit que c'était basé sur une lecture littéraliste de l'islam. Donc, en fait, certains ministres ont utilisé cette parole du conseil musulman. La plupart, je connais pas les détails de l'orientation des gens qui font partie de ce conseil musulman, mais je doute pas que plusieurs d'entre eux sont parmi les gens qui suivent la voie des Ikhwan ou qui suivent cette tendance-là, ou bien des soufis, ou bien des tendances de ce genre. Donc, ils sont basés sur ça. Ils ont dit lorsque le conseil du culte musulman nous ont dit ça, que ça fait pas partie de l'islam, puis que c'est une interprétation extrémiste et que c'est une lecture littéraliste. Un ministre a dit ça nous a ouvert la porte et ça nous a donné le champ libre pour commencer à légiférer puis à interdire. Donc tout ça c'était basé à la base sur un mensonge. Tout ça c'est basé à la base sur un mensonge et sur une déformation donc de la réalité au sujet de l'islam. Et ça c'est qu'est-ce qui nous aide à comprendre en même temps que la position et l'attitude des jeunes bid'a parfois peut être plus nuisible envers l'islam et les musulmans que l'attitude des koufars qui sont des juifs, des chrétiens ou bien des athées ou autres, puisque les koufars utilisent toujours ces groupes-là et ces individus-là pour combattre l'islam par la suite. Puisque c'est faux de dire que c'est une interprétation extrémiste, puisque quand on retourne dans tous les tafsirs des ulama de tafsir à travers l'histoire, ils rapportent tous l'existence de cet aspect de l'islam dans les textes et dans les règles de la charia. Et dans tous les livres de fiqh, on retrouve ces explications-là également. Donc ça voudrait dire que tous les savants de l'islam sont des extrémistes, et que tous les savants de tafsir sont des extrémistes, et que tous ceux-là font une lecture soi-disant littéraliste des textes. Encore là, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire être littéraliste, et qu'est-ce que ça signifie, et si on n'est pas littéraliste, qu'est-ce qu'on doit être à la place, hein? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'obéir au Coran, dans son sens littéral et apparent. Et ça, c'est la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, qu'on doit suivre le Coran et la Sunnah dans son sens apparent, jusqu'à tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vient changer ou faire sortir ce texte-là de ce sens apparent. D'accord? Donc ça c'est expliqué dans les livres de Usul, Al-Ma'na al-Zahir et Al-Zahir wal-Mu'awwal. Donc tout ça c'est expliqué et nous on dit on doit prendre les textes dans leur sens apparent. Mais ça ne veut pas dire non plus que on prend les comme ceux qui disent ah vous appliquez l'islam à la lettre ou les textes à la lettre et ils pensent que ça veut dire qu'on prend un hadith puis qu'on l'applique comme ça sans réfléchir ou sans comprendre, alors que c'est pas ça que signifie d'appliquer les textes à la lettre. Et l'appliquer les textes à la lettre et de façon littéraliste dans la vraie signification selon Ahl Sunnah wal Jama'ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un texte qui parle de quelque chose, on va pas se baser sur ce texte-là tout seul. Il faut ramener tous les autres textes qui vont traiter du même sujet et les amener ensemble. Comme les ayats qui parlent de ce sujet-là et les hadiths qui parlent de ce sujet-là et les paroles des sahaba. Et là, on regarde par la suite, est-ce qu'il y a des détails qui sont clarifiés, est-ce qu'il y a des règles qui sont rajoutées, est-ce qu'il y a des conditions à l'application de ces hadiths-là dans d'autres textes. Hein? Mais c'est pas juste de prendre, tu prends un hadith hors de son contexte et tu le prends tout seul, isolé des autres textes qui parlent du même sujet et que tu dis, bon ça y est, je vais l'appliquer. Si tu fais ça, t'as pas appliqué le sens littéral de la religion, t'as seulement déformer la réalité de qu'est-ce qui est expliqué dans les textes. Donc, il faut pas se laisser tromper. Et moi, je sais pas, peut-être une des méthodes, peut-être une des choses que les musulmans devraient faire, en particulier les salafiyoun, parce que c'est sûr que cette loi, elle vise les salafis en particulier, parce que la plupart des femmes qui portent le niqab ou qui couvrent leur visage sont des salafiyates, même s'il y a des filles qui font partie des parfois des takfiriyas ou bien qui font partie des ikhwan ou bien des tablirs qui ont aussi le niqab, mais en grande partie je pense que ce sont des salafiyates. Et donc qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être, Allahu a'lam, c'est de rentrer en contact avec ces gens-là du conseil du culte pour leur montrer que qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de cette question-là, que c'est un mensonge et que c'est faux et qu'ils devraient revenir sur cette parole-là, yani, parce que franchement ils auront un compte à rendre au jour de la résurrection pour avoir menti, hein, sur la charia d'Allah. Ensuite, donc on va continuer maintenant au sujet de la nasiha envers le dirigeant. Le cheikh il dit المبحث الرابع في نصيحة الحاكم إنه مما يجب بيانه تتمة للبحث في هذا الأصل نصيحة ولاة الأمور ونصيحة ولاة الأمور تتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى ما ورد من الأحاديث النبوية الصحيحة الموجبة للنصيحة. المسألة الثانية في كيفية النصيحة لولاة الأمور. والمسألة الثالثة إيراد شبهات لأهل الشطط والجواب عنها. Donc le cheikh il explique, il dit que parmi ce qui est obligatoire de clarifier, c'est pour compléter cette étude au sujet de l'obéissance des dirigeants et de ce fondement, il y a la question de la nasiha envers les dirigeants. Et ça comprend plusieurs points. Donc trois points que le cheikh clarifie. Le premier, c'est les hadiths qui sont mentionnés dans la sunna au sujet de l'obligation de donner la nasiha. Deuxièmement, comment on donne la nasiha aux dirigeants en particulier, parce que c'est un petit peu particulier par rapport aux musulmans en général. Il y a des choses spécifiques et particulières. Et le point numéro 3, إيراد شبهات لأهل الشطط والجواب عنها. Donc c'est quelques شبهات de la part de certains individus qui appellent à justement les choses qui opposent la sunna et la réponse à ces شبهات. الشيخ المسألة الأولى وهي الأحاديث. Donc maintenant on va expliquer les hadiths qui parlent de la nasiha de façon générale. المنصف يتبين له بوضوح وجلاء أن الأحاديث الواردة في إجاب النصيحة لولي الأمر مستفيضة وإن لم تكن متواترة ونظرا لكثرتها فقد اخترنا بعضها. Il dit toute personne honnête et juste, elle va voir avec évidence et avec clarté que les hadiths qui sont mentionnés au sujet de l'obligation de la nasiha sont très très nombreux, hein, de la nasiha envers le dirigeant, ils sont très nombreux, même si c'est pas qu'elles sont mutawatira en fait, hein, rapportées par un très grand nombre. Et étant donné qu'elles sont si nombreuses, nous avons choisi uniquement certains textes qui parlent de ce sujet-là. Al-hadith al-awwal, hadith al-tamim al-dari. رضي الله عنه المعروف المشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. Donc le cheikh il dit que le premier hadith c'est le hadith de Tamim al-Dari qui est très connu, célèbre, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion c'est la nasiha, la religion c'est la nasiha, la religion c'est la nasiha. On a dit au messager d'Allah envers qui? Il a dit envers Allah, envers son messager, envers son livre, envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. والذي يتمعن في هذا الحديث يجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب النصيحة لخمسة وهم الله جل جلاله وكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعمتهم فما النصح لأئمة المسلمين؟ peut-être si tu l'éteins puis tu le rallumes peut-être ça va faire ça. قدر الله ما شاء فعل. طيب. Donc le cheikh il dit que la nasiha c'est pour يعني, si on regarde ce hadith, on voit que Allah le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de donner la nasiha pour cinq catégories ou bien cinq personnes ou catégorie. Premièrement, c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le livre, envers le messager, envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. فَمَنْ نُصْحُ لِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ هُمْ فَمَا الْمُرَادُ بِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ هُمْ الْعُلَمَاءُ وَالْحُكَّامُ سَوَاءَ أَكَانُوا خُلَفَاءَ أَوْ أُمَرَاءَ أَوْ نُوَّابُ الْخُلَفَاءِ وكل من ولي أمرا من أمور المسلمين فله حق في هذه النصيحة. ومعنى النصيحة لولاة الأمور طاعتهم في طاعة الله في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة والدعاء لهم ومشورتهم وشد أزرهم أو أزرهم والتعاون معهم على البر والتقوى. وفي معنى هذا هو الحديث الثاني. Donc, le cheikh, il explique que, donc c'est sûr que pour chacune de ces catégories qu'on mentionne, an-nasiha a une signification parfois qui peut être particulière, comme par exemple an-nasiha envers Allah, ça a une signification spécifique, et an-nasiha envers le livre et envers le messager aussi. Puis par la suite, an-nasiha envers les dirigeants des musulmans. Le cheikh, il dit, qu'est-ce que ça signifie là, an-nasiha envers les a'imma, envers les imams des musulmans. Qu'est-ce qu'on veut dire par les imams des musulmans? Le cheikh il dit ce sont les ulama et les hukam, c'est-à-dire ce sont les ulama, les savants, et les hukam, c'est-à-dire les dirigeants. Peu importe qu'ils soient des khulafa, qu'on les appelle khulafa, ou que ce soit des umara, des émirs, ou bien des députés ou des ministres ou des choses comme ça, du moment que ce sont des gens qui ont une responsabilité sur les musulmans et qui ont une autorité sur les musulmans, donc dans ce cas-là ils ont un droit à recevoir cette nasiha. Et qu'est-ce que signifie la nasiha envers les dirigeants? Ça signifie de les obéir dans l'obéissance d'Allah, dans la difficulté comme dans la facilité, dans les moments, dans les choses qu'on aime comme dans les choses qui nous déplaisent, et également même lorsqu'ils se donnent des privilèges sur nous, et de faire des doigts en leur faveur et de leur donner le bon conseil et de leur donner le bon conseil et de les consulter et de les supporter et de collaborer avec eux dans le bien et dans la piété. C'est ça la signification de la nasiha envers les dirigeants. Donc ça c'est comme ça, yani, que le musulman il doit être envers son dirigeant. Il doit, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on connaît aujourd'hui chez les gens en général. Yani, les gens, subhanallah, n'importe quelle occasion qu'ils ont de tricher ou de trahir ou de mentir ou de voler ou de manquer à la confiance du dirigeant, ils en profitent. Hein, on dirait que beaucoup de musulmans à notre époque sont devenus des professionnels dans la fraude, hein, et le manque de sincérité. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de l'islam et qu'est-ce que l'islam ordonne. On dirait qu'ils ont fait une séparation ou une distinction entre qu'est-ce que la religion nous ordonne et qu'est-ce qu'on applique dans la dunya. Comme si qu'est-ce qui était ordonné par Allah et son messager, c'était par rapport à une autre réalité que celle dans laquelle on vit actuellement. Ou bien certains, on dirait qu'on a l'impression qu'ils pensent que ces hadiths-là, ça s'appliquait juste au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que, ou bien à l'époque des Khulafa al-Rashidin, mais que aujourd'hui, à notre époque, puisque le système a changé, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont plus comme à l'époque, eh bien, il faut plus appliquer ces hadiths-là, ou bien ces choses-là. Et donc, c'est une mauvaise compréhension. Donc, il dit, le cheikh ensuite, il dit, pour bien comprendre cette signification-là, on va regarder le deuxième hadith, qui est le hadith de Abi Huraira, qui est presque le même hadith en fait. C'est la même signification, c'est le même, exactement le même. Inna ad-din an-nasiha. Selon Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, inna ad-din an-nasiha, inna ad-din an-nasiha, inna ad-din an-nasiha. قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم معنى الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه على النصيحة قوله الدين النصيحة نظير قوله في الحج الحج عرفة أي عماد الحج وأعظم الحج الشيخ explique que dans ce hadith, la signification de Ad-Din al-Nasiha, ça veut dire le pilier de la religion. Le pilier de la religion, c'est la Nasiha. Qu'est-ce qui fait tenir cette religion-là? C'est la Nasiha. C'est comme quand on parle du Hajj, on dit Al-Hajju Arafa. Le Hajj, c'est Arafa. C'est de se tenir à Arafa. Si tu ne fais pas le wukuf bi Arafa, tu n'as pas de Hajj. Ton Hajj, c'est comme si tu n'as pas fait le Hajj du tout. Même si tu fais le reste des choses. Donc, le pilier du Hajj, c'est Arafa. Donc, le pilier de la religion, c'est la Nasiha. Pour dire l'importance de la Nasiha dans l'islam, en fait. Et le Cheikh, il explique ensuite le troisième hadith, al-hadith al-thalif, hadith Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiallahu anhu, قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة فلقني فلقنني فلقنني ما استطعت اي نعم والنصح لكل مسلم ici un mot là j'arrive pas à le لقنني بارك الله فيك فلقنني ما استطعت والنصح لكل مسلم فأين النصيحة لولاة الأمور في هذا الحديث فأين النصيحة لولاة الأمور في هذا الحديث هي في قوله والنصح لكل مسلم العموم فولاة الأمور داخلون في هذا العموم والنصيحة لكل مسلم بل النصيحة لولاة الأمور أهم وأعظم من النصيحة لغيرهم من الأفراد لأنه باستقامة ولاة الأمور يستقيم حال العباد والبلاد. Donc le troisième hadith, c'est un hadith rapporté par Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, dans lequel il dit: j'ai donné la bay'a au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que j'allais établir la salat et donner la zakat, écouter et obéir. فلقنني ما استطعت. فلقنني ما استطعت. C'est-à-dire, d'après ce que je comprends ici, il m'a dit: tant que tu es capable selon qu'est-ce que tu es capable. C'est-à-dire, selon qu'est-ce que tu es capable. C'est-à-dire, tu dois appliquer de ça, selon ce que tu es capable. Et ensuite, il a dit, wa nushu li kulli muslim. Et de faire preuve de sincérité et de donner la nasiha à tout musulman. Donc, il dit ici, où est-ce qu'elle est la nasiha au dirigeant dans ce hadith? Et il a dit, elle est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien dans la parole de Jarir ibn Abdullah al-Bajali, wa nushu li kulli muslim. C'est-à-dire la nasiha à tous les musulmans. Et ça, ça veut dire que les dirigeants, ils rentrent dans le sens général de ce hadith-là. Yani, puisque la nasiha envers les dirigeants, c'est une des plus importantes et une des plus grandes. Plus importante même que donner la nasiha aux individus en général. Parce que c'est en donnant la nasiha aux dirigeants que les choses de la société et les affaires des hommes peuvent s'organiser. Hein? Donc ça c'est très important. Et les musulmans doivent comprendre, on doit comprendre à notre époque que plus on va être avec nos dirigeants et qu'on va les supporter et qu'on va leur donner la nasiha et qu'on va être sincère envers eux et leur montrer qu'on est sincère envers eux en leur ordonnant le bien et leur interdisant le mal selon la sunna, en leur donnant la nasiha selon la sunna et en montrant qu'on veut le bien pour le pays et qu'on veut le bien pour les musulmans, et plus on va faire ça, et bien plus par la suite on va voir que les pays musulmans vont devenir plus stables et plus forts et les koufars auront moins d'autorité et moins de force contre les pays musulmans par la suite. Hein? Puisqu'ils vont voir que les peuples musulmans et les populations musulmanes supportent leurs dirigeants et sont avec leurs dirigeants. Donc les puissances étrangères, les forces des koufars pourront plus par la suite s'imposer sur les dirigeants musulmans. Hein? Pour frapper les musulmans indirectement par la suite. Mais ça, beaucoup de gens comprennent pas ça. Ils pensent qu'en opposant les dirigeants, les koufars vont les aider. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est que justement par la suite, les koufars ont encore plus de pouvoir et d'influence sur les dirigeants musulmans par la suite. Et ils peuvent les échanger comme ils veulent. C'est-à-dire, lui, il fait plus notre affaire, on l'enlève, on met la population contre lui, et puis on le remplace avec un autre. À chaque fois qu'ils sont fatigués d'un dirigeant ou quelque chose comme ça, ils envoient des agitateurs parmi la population, créent des dissensions et même des fois c'est des agents qui travaillent pour eux, soit des agents du CIA ou autre. Ils font des problèmes, des agitations, ils appellent aux manifestations, après ils appellent les puissances occidentales, ils disent bon venez enlever ce dirigeant-là, nous on veut le remplacer, puis ils agissent comme ça. Ils jouent avec les musulmans de cette manière. Donc il ne faut pas se laisser justement jouer aussi facilement que ça. Le cheikh il dit Al-Hadith al-Rabi' Hadith Anas radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأين النصيحة لولاة الأمور هي في قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا نص في النصيحة ليس الإنسان يحب لنفسه الاستقامة وصلاح الحال والمال والمآل إذن كذلك يجب أن يحب لأخيه ذلك ولاة الأمور من المسلمين إخوة ولاة الأمور من المسلمين إخوة دونك الشيخ يزي الحديث numéro 4 يعني c'est le hadith d'Anas dans lequel le professeur Anselm a dit nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le cheikh dit où est-ce qu'elle est la nasiha pour les dirigeants dans ce hadith? Elle est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ça fait partie de la nasiha. La nasiha rentre là-dedans. Hein? N'est-ce pas qu'une personne, elle doit aimer pour, yani, n'est-ce pas qu'une personne aime être sur la droiture et avoir être dans qu'est-ce qui est bien dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc s'il souhaite le bien pour lui-même, donc il doit vouloir et c'est obligatoire pour lui d'aimer le bien pour son frère et de vouloir ces bonnes choses-là pour son frère. Et les dirigeants parmi les musulmans font partie de nos frères puisque ce sont des musulmans. Et le cheikh il explique ici donc ce point-là des fois qui est un point qu'on oublie. Que des fois on dit le frère juste quand on voit qu'il porte le qamis et qu'il a la barbe, ou bien que c'est une femme par exemple qui porte le sitar et le djilbab, puis sinon on oublie que ce sont des frères, on dit pas frère, hein. Ah le frère, comme si c'était juste ceux qui sont salafis ou qui pratiquent l'islam comme il faut. Mais même ceux qui font des péchés ou qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala font partie des musulmans, ils ne sont pas des koufars. Donc ils sont aussi parmi nos frères, même si ils font des péchés. Et il faut bien entendu envers ceux-là faire preuve de nasiha aussi et leur, les appeler à se repentir à Allah et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadith al-Khamis, حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست إذا لقيه فسلم إذا لقيته فسلم عليه وإذا استنصحك فأنصح له أو فأنصحه وإذا دعاك فأجبه الحديث وقوله إذا استنصحك أي طلب إليك النصيحة فولي الأمر إذا طلب النصيحة وجب نصحه من باب أولى لأنه داخل تحت قوله حق المسلم فالمسلم اسم جنس صيغة من صيغ العموم لأنه معرف بألف لام لغير العهد وهذه بعض الأحاديث الثابتة وهذه بعض الأحاديث النبوية التي تنص فيها ينص فيها أو نص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على نصح المسلمين عامة وولاة الأمور خاصة. Donc le cinquième hadith, c'est le hadith dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم dit, selon Abi Huraira, que le droit du musulman pour son frère musulman, c'est de 6. Yani il y a 6 droits qu'un musulman a envers son frère, et parmi ces droits-là, c'est que lorsqu'il le rencontre, il lui donne le salam. Sallama alayhi. Et lorsqu'il lui demande la nasiha, il lui donne la nasiha, ou bien donne-lui la nasiha. Et lorsqu'il t'invite, réponds à l'invitation. Donc ça fait partie des droits du musulman. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il te demande de lui donner une nasiha, ça c'est, yani, ça veut dire que, yani, le cheikh dit, si le dirigeant demande qu'on lui donne la nasiha, alors c'est obligatoire dans ce cas-là de lui donner la nasiha encore plus que n'importe quel autre d'entre les musulmans. Et il dit wa qawluhu haqqul muslim, que c'est un droit du musulman. Donc ça c'est pour dire que ça implique tous les musulmans sans exception, et donc les dirigeants rentrent dans ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ici l'explication. Le cheikh donne une définition linguistique de la nasiha, et après il cite le hadith au sujet de la nasiha envers le dirigeant, et nous on va s'arrêter là après, d'accord? Donc il reste juste ça à lire, ça et ça ici, et puis après inchallah on va s'arrêter pour le cours d'aujourd'hui inchallah. Le cheikh il dit donc donc ça ce sont quelques hadiths qui parlent de la nasiha, qui parle de la nasiha envers les musulmans en général et envers les dirigeants en particulier. المسألة الثالثة كيفية النصيحة وكيف ينصح المسلم ولاة الأمور. نقدم بين يدي المسألة أمرين. Le cheikh il dit que comment on doit donner, le troisième point, la troisième question, c'est comment on doit donner la nasiha aux dirigeants. Le deuxième point. المسألة الثانية, c'est comment on doit donner la nasiha aux dirigeants musulmans. Il dit donc, il y a deux points à clarifier avant de rentrer dans ça. Premièrement, qu'est-ce que signifie la nasiha dans la langue arabe? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça signifie dans la religion? Définition religieuse. Il dit, تعرف النصيحة فالنصيحة في اللغة مأخوذة من نصح الثوب أي أصلحه وخاطه فيشبه فعل الناصح مع المنصوح له بفعل من يصلح ثوبه ويسد خلله فالناصح يسد خللا في المنصوح وقيل مأخوذة من نصح العسل إذا صفاه من العوالق كالشمع وهنا وجه الشبه أن الناصح يحاول تصفية حال المنصوح برفق. Le cheikh explique que la signification, donc définition linguistique du mot nasiha, ça vient de nasaha thawb, c'est-à-dire quand quelqu'un il arrange un vêtement, ou il enlève les défauts qui sont sur ce vêtement-là. Donc ça veut dire que la personne qui est un nasih, il va arranger quelques défauts ou quelques problèmes qui existent dans un vêtement. Et il explique aussi que ça vient du fait de purifier le miel, nasaha al-asal. lorsqu'il le purifie et qu'il enlève la cire, hein, ou les alvéoles ou les trucs là de cire, on fait sortir le miel de ça, on le purifie de ses impuretés. Donc, en fait, c'est pour faire une ressemblance entre le fait que la personne qui est nasih, elle essaie de purifier l'état de la chose qu'elle veut, sur laquelle elle applique donc la nasiha avec douceur. En ce qui concerne la définition religieuse de an-nasiha, le cheikh il dit fil istilah iradatu al-khair lil mansuh بما يصلح حاله وهو الأمر الأول وهذا هو الأمر الأول. Donc la première chose parmi cette définition religieuse, c'est de vouloir le bien pour la personne à qui tu fais la nasiha, pour essayer de corriger ou améliorer son état. Donc le musulman, il doit vouloir le bien pour son frère, il doit vouloir le bien pour les gens, même pour les koufars, il doit vouloir le bien, c'est-à-dire quand il les voit sur le kufr et le shirk, il veut vouloir d'eux que il soit guidé au tawhid et à l'islam, hein? Donc ça c'est important. Ça c'est le premier point. Al-amr al-thani alladhi yajibu ala kulli muslimin ma'rifatuhu wa qabuluhu wa ala tullab al-ilm khassatan al-wuquf 'inda as-sunnah sawa'a kanat 'ibadatan aw mu'amalatan fama waradat fihi sunnah la yasuhu lil-muslim an yasta'mila al-'aql bal yajibu al-wuquf 'inda as-sunnah حتى المعاملات ما دامت السنة واردة فيها لا يسوغ لمسلم أن يجانب السنة ويطلب العقل. Donc ça c'est un point important que le cheikh il explique ici. Il dit qu'il est obligatoire à tout musulman de connaître cet élément là maintenant et de l'accepter, et en particulier les tullab ilm, les étudiants qui étudient l'islam en particulier, c'est que lorsqu'ils arrivent ou qu'ils trouvent une sunna, peu importe que ce soit dans les adorations ou que ce soit dans les affaires de la dunya ou des interactions, s'il y a une sunna à ce sujet-là, il ne faut pas que le musulman mette sa raison au devant des textes et laisser de côté la sunna. Il doit appliquer la sunna qui est mentionnée à ce sujet-là, même dans les affaires des mu'amalat ou des interactions. Le musulman, il ne peut pas mettre le texte de côté et se baser juste sur sa raison. Donc, le cheikh dit إذن الأمر الثاني هو الوقوف عند السنة سواء كانت في عبادة أو في معاملة لأن بعض الناس قد يقول هذه معاملات فالأصل في العبادة المنع إلا بنص والأصل في المعاملة الإباحة إلا لنص ولكن نقول إذا ورد في المعاملة نص فهل يجوز تجاوزه؟ لا، يعني هذا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا ضل من ضل ووقع الشطط في معاملة ولاة الأمور من المسلمين لأن القوم غلبوا العقل على النقل وهذا من قديم من عهد الخوارج وبقي الآن محور المسألة وهو كيف ينصح ولاة المسلمين. Donc ça c'est plus clarifié encore. Il reprend la même parole, mais il rajoute des clarifications. Il dit lorsque tu trouves une sunna, peu importe que cette sunna explique quelque chose qui a rapport avec l'adoration ou quelque chose qui a rapport avec les interactions des choses de la dunya, il faut appliquer cette sunna. Parce que certaines personnes disent ça fait partie des mu'amalat, hein, ça fait partie des interactions. Et ils ramènent les règles, comme la règle qui dit que lorsque quelque chose concerne l'adoration, la base c'est que tout est interdit, sauf s'il y a un texte. Hein, dans les adorations, tout est interdit, sauf s'il y a un texte. Sinon, si tu fais quelque chose sans avoir un texte dans les adorations, ça veut dire que tu inventes une bid'ah. Hein? Et dans les questions des choses de la dunya et des interactions entre les hommes dans les affaires de la dunya, la règle de base c'est que c'est mubah, c'est que c'est permis, excepté s'il y a un texte pour l'interdire. Donc ils disent que la base dans la dunya c'est que tout est halal ou tout est mubah, excepté s'il y a un texte qui vient montrer que c'est haram. Le cheikh il dit ça c'est vrai, sauf s'il y a un texte qui est venu limiter ou interdire par exemple cette chose-là dans, ou clarifier comment on doit faire quelque chose dans la dunya. parmi les choses de la dunya. Et pour clarifier un peu plus, qu'est-ce que le cheikh il veut dire, c'est un peu comme, par exemple, qu'est-ce que certains individus ont mentionné par rapport aux interventions des manifestations des gens dans les pays musulmans. Quand certains ont manifesté, les ulama ont mentionné que ça c'est une bid'ah, les manifestations. Donc, il y en a qui ont répondu, ils ont dit non, mais c'est pas dans les adorations, ça fait pas partie des adorations, c'est des questions politiques, donc ça part pas avec des adorations, donc on peut pas dire que c'est une bid'ah. Et Ali le cheikh, d'après ce qu'il explique là maintenant, on voit que c'est que même si c'est pas Ali dans les affaires d'adoration directement, mais étant donné qu'il y a des textes de la sunna qui nous montrent comment agir dans ces situations-là, on n'a pas le droit de laisser ces textes-là puis dire on va se permettre de régler ces affaires de la dunya là comme on veut. Hein? Et c'est pour ça que dans l'islam, il y a des règles à respecter dans le commerce, il y a des règles à respecter dans les règles du divorce, il y a des règles à respecter dans les règles du mariage, il y a des règles à respecter dans plusieurs autres de ces questions-là, comme dans les peines et autres. On ne peut pas dire, ah, mais ça c'est des questions de la dunya, donc on a le droit de dire qu'à la base tout est permis dans ça. Puisqu'il y a des textes spécifiques qui nous expliquent comment agir dans ces situations-là. Donc on ne peut pas divorcer comme on veut, on ne peut pas se marier comme on veut, on ne peut pas faire du commerce comme on veut, on ne peut pas diviser l'héritage comme on veut. Hein. Il faut se baser sur les textes de la charia dans ces questions-là. Sinon, si on amène des nouvelles règles et on change qu'est-ce qui est expliqué dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là, même si c'est des affaires de la dunya, eh bien, on a quitté la Sunna, on a quitté qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le cheikh, il dit donc, dans ce cas-là, c'est une forme de, c'est comme si on a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là que se sont égarées plusieurs personnes qui sont tombées dans des erreurs dans la façon comment on doit agir avec les dirigeants. Ils ont dit, ouais, mais ça c'est des affaires politiques et ça n'a pas rapport avec la religion. Non, c'est faux. Ça a rapport avec la religion puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné comment agir avec le dirigeant dans des situations comme ça. Donc ça fait partie de la religion, et si tu contredis ça en te basant sur ta raison et que tu laisses les textes, eh bien tu as dévié. Et ça c'est pas nouveau, le cheikh il dit depuis l'époque des Khawarij, il y a des gens qui faisaient ça, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue encore ces problèmes-là. Et la question vient maintenant, comment on doit donner la nasiha aux dirigeants. Le cheikh il dit, أقول هذا الجانب يعني نصيحة ولاة الأمور هل الأمر فيه متروك لاجتهاداتنا وعقولنا أم تولى بيانه الشارع إذا كان الشارع الحكيم قد تولى ذلك فما بيانه وكيف ينصح أو ينصح المسلم ولاة الأمور وفق الشرع. نقول روى ابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. Donc là le cheikh maintenant il explique, il dit maintenant est-ce que la question de la nasiha envers le dirigeant, est-ce que c'est quelque chose qui est laissé à nos jugements et à notre raison, ou bien la charia a expliqué ça, et est-ce que Allah et son messager ont clarifié comment? Et si le messager sallallahu alayhi wa sallam a expliqué comment, eh bien où est-ce qu'elle est cette explication-là, et c'est quoi cette clarification-là, et comment on doit la donner, cette nasiha aux dirigeants selon la charia? Le cheikh, il répond, il dit qu'il a été rapporté selon, par Ibn Abi Asim et par l'imam Ahmed dans la Musnad et d'autres également, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui a une nasiha à donner aux dirigeants, qu'il ne la donne pas ouvertement ou publiquement, mais qu'il le prenne par la main et qu'il reste en privé avec lui, et qu'il lui donne sa nasiha en privé. Il dit, si il l'accepte, donc alhamdoulillah, c'est bien, mais si il la refuse, alors la personne qui a donné la nasiha, elle a fait son devoir. Qu'est-ce qui était obligatoire pour lui, elle a fait son devoir. C'est-à-dire que, Hein, parce qu'il y a des gens qui ont posé cette question-là. Ils disent, ouais, mais si on donne la nasih au dirigeant, on lui dit, fais pas ça, ou fais ça, ou bien ça, c'est pas bon de faire ça, ou quoi, et que lui, il accepte pas. Est-ce que là, après, on a le droit de se révolter? Non. Hein? Comme le hadith nous l'explique ici, s'il l'accepte, tant mieux, alhamdoulilah, s'il le refuse, eh bien, on a fait notre devoir. Maintenant, on a plus de... Au jour de la résurrection, on sera hein, innocent, puisqu'on a fait notre devoir. Et le cheikh il explique trois points, donc on va lire ces trois points là puis après on va s'arrêter inchallah, puisque je sais que probablement vous êtes fatigué un peu. Donc le cheikh il dit fal hadith dalil ala thalathati umur. Awalan as-sirriyah at-tamma fi munasahah fi al-munasahah lil hakim hatta an aqrab an-nas ilayhi in amkan. Donc premièrement de faire preuve de secret, de confidentialité lorsque on va voir le dirigeant yani pour lui donner la nasiha, même si ce sont les gens les plus proches de lui, hein. Et donc ça c'est important, et il y en a, c'est pour ça qu'ils accusent des fois les gens d'être des agents ou de travailler pour les dirigeants, parce que on donne la nasiha aux dirigeants. S'il y a quelque chose, on entend qu'il y a quelqu'un qui planifie de faire des choses mauvaises ou des choses incorrectes ou de faire des crimes, on informe les responsables et on leur dit telle personne, elle prépare un mauvais coup, elle prépare de faire telle chose. Hein? Donc il y en a qui vont dire ah, lui c'est une hein, ce dirigeant ou ce savant, il a parlé contre nous, il a écrit contre nous. Mais ça c'est hein, obligatoire de le faire. C'est obligatoire d'informer les responsables et de leur mentionner le mal que certaines personnes qui veulent faire le mal font. Et ça fait partie de l'obligation du musulman. Et il n'y a rien de mal d'être un agent du gouvernement quand c'est un gouvernement musulman et qu'on travaille pour ce gouvernement musulman-là. Au contraire, ça c'est obligatoire pour le musulman. ثانياً براءة الذمة بمجرد النصيحة على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث. Deuxièmement, c'est que lorsque tu as appliqué le hadith de cette façon-là, selon ta capacité, eh bien, tu as rempli ton devoir. Et puis, tu n'as plus d'obligation sur toi par la suite, puisque tu as donné ta nasiha comme il faut. Bon, si tu ne veux peut-être pas aller voir le dirigeant en personne pour lui dire la nasiha en privé, mais tu peux essayer bon, de le contacter soit par écrit ou bien aller par un moyen quelconque, tu essaies de lui faire parvenir le message. Thalithan, innahu la tab'atun على من لا يقدر على النصيحة للحاكم سرا لأنه لا تكلف نفس إلا وسعها لأن هذا الطريق هو ما جاء عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلو رضي الله للعباد والبلاد غيره لجاء بيانه في الكتاب والسنة في الكتاب أو في صحيح السنة فكان لزاما على كل طالب للحق والهدى الوقوف على هذا النص. Donc troisièmement, le cheikh il dit que celui qui n'est pas capable de donner la nasiha au dirigeant en privé, en secret, dans ce cas-là il est pas blâmé. Dans ce cas-là, s'il n'a pas été capable de le faire comme c'est mentionné dans le hadith, il n'est pas blâmé, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas une charge sur une personne qu'il n'est pas capable de porter. Dans le sens que si tu n'es pas capable de faire quelque chose, tu n'es pas blâmé dans ce cas-là. Parce que ça, c'est la voie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnée par la langue de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'il a agréé pour ses serviteurs. Si il avait agréé autre que cette voie-là, il l'aurait clarifié dans le Coran et dans qu'est-ce qui est authentique de la Sunna. Et donc, il est obligatoire à toute personne qui recherche la vérité et la guidance de s'arrêter à qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith-là. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et puis, peut-être que on pourra mentionner peut-être après Salat al-Asr quelques-unes des shubuhat qui ont été mentionnées à ce sujet-là dans le livre du Sharh de Usul al-Sitta, ou bien peut-être qu'on va continuer ou terminer la conférence de Cheikh Al-Fawzan au sujet de Tawhid. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez, continuer celui-ci ou bien Durus min al-Qur'an après l'Asr. Donc si vous préférez celui-ci, ben vous pouvez lever la main comme ça, je vais savoir. Ou bien si vous voulez Durus min al-Qur'an, levez la main. Ok, d'accord. Donc on va faire démocratiquement. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.